montre ma carte, je passe le guichet. Une cabine est vide, je me déshabille. La douche est fraîche, combattre la paresse. Dans les escaliers, j'entends des voix amplifiées. Les enfants passent, m'éclaboussent au passage. Je pose mon sac à terre, pas question de revenir en arrière. Je nage, je nage, je nage, je nage, je nage, je nage. Vers les 18h et quelques longueurs, elle arrive sublime, sans frime, belle ondine. Le temps s'immobilise à ses pieds nus. Le temps qu'elle plonge, on ne la verra plus. Je nage, je nage, je nage, je nage, je nage, je nage. Et on fait des kilomètres dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. La piscine se vide, bientôt me voilà seul. J'ai des rêves liquides d'eau vierge de Javel. Sous le dos à l'envers, je me laisse bercer. Ma volonté se perd, je me laisse couler. Je nage, je nage, je nage, je nage, je nage, je nage. Et j'en fais des kilomètres dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Des profondeurs, je vois le calypso et des requins marteaux. Me caresser les pieds, me fermer dans ma main pour aller voir plus loin, pour descendre plus haut. Pour aller voir plus loin, pour descendre plus haut. Sur le parking désert, personne n'attend.